insegnerò, sì, le insegnerò. Saprò piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano. Meglio di arcano dissimulando scoprir potrò. L'arte scrivendo, l'arte dobrando, dico concendo, dile scherzando, tutte le macchine rovescerò. L'arte scrivendo, l'arte dobrando, dico concendo, dile scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, rovescerò, rovescerò. Ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Voilà donc un extrait du premier acte des Noces de Figaro, un extrait du premier acte sans récitatif que nous écoutions avec Anton Scheringer, Barbara Bonny, le Royal Concertgebouw Orchestra dirigé par Nikolaus Harnoncourt. Et Constance Mozart dans tout ça. On peut dire que cette femme a, a posteriori en tout cas, incarné la mauvaise épouse. Depuis des années, la plupart des musicologues la qualifient de femme frivole, superficielle, incapable de comprendre Mozart et de soigner son foyer. On a dit qu'elle avait ruiné le ménage, qu'elle avait incité Mozart à mener une existence insouciante. Alors pourquoi tant de haine envers cette pauvre Constance, qui, quand son mari est mort, eh bien, s'est couchée à côté de lui pour attraper sa maladie ? Elle était d'ailleurs tellement effondrée qu'elle n'a même pas pu assister aux obsèques. Alors en fait, on le sait, Mozart était originellement tombé amoureux de la sœur de Constance, Aloysia, mais celle-ci s'est finalement mariée avec Joseph Lang. Et lorsque Mozart arrive à Vienne en 1781, eh bien il va loger chez Madame Weber, la mère d'Aloysia, de Constance, de Josepha et de Sophie. Et il est vrai que Madame Weber a un peu manœuvré pour que Mozart épouse Constance. On dit que Mozart aurait compromise la fille de Madame Weber, Constance, et donc elle lui a fait signer un papier disant que Mozart s'engageait à épouser sa fille dans les 3 ans, ou bien alors à lui verser une rente à vie. Alors bon, il est vrai, ce n'est peut-être pas l'amour fou au début, en tous les cas, mais c'est un couple qui a construit son amour, qui a bâti son amour, qui en a fait un amour solide. D'ailleurs, on sait, par plusieurs lettres, que le couple était charnellement et émotionnellement lié. Et puis, cette image qu'on nous renvoie depuis plusieurs décennies, cette image d'une Constance incapable de gérer une situation financière, ne colle pas du tout avec son attitude après la mort de Mozart. Car elle a réussi à obtenir une pension de l'État, alors que Mozart n'avait pas été assez longtemps au service impérial et que normalement, elle n'aurait pas eu droit à cette pension. Et puis, au XVIIIe siècle, une femme et ses enfants sans le revenu principal du mari, et bien généralement cette famille sombre dans une misère extrême. Or, Constance a su gérer sa situation financière en vendant les manuscrits de son défunt mari.